Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, nous sommes donc dans notre parcours sur la transformation ou l'histoire du Dieu Yahvé, arrivé la semaine dernière à ce combat de Yahvé contre Baal, ou contre un Baal, puisque Yahvé, je vous ai dit, est aussi d'une certaine manière un Baal. Rappelez-vous, Baal n'étant autre chose d'abord qu'un titre, comme Seigneur, comme d'ailleurs Adon en hébreu aussi, qui petit à petit va devenir un nom propre. Mais nous avons vu avec l'histoire de Élie que cette histoire met en scène en effet une confrontation entre le Baal qui est vénéré par la famille royale, les Omrides, Akab, marié à une femme phénicienne, Jézabel, et Élie qui se présente comme étant le seul vrai prophète de Yahvé, mais on apprend quand même de temps à autre qu'il y a d'autres prophètes de Yahvé, même à la cour de Jérusalem. Donc nous avons déjà vu en fait comment ces deux premiers chapitres de l'histoire d'Élie, chapitres 17 et 18, en fait, mettent en scène ce combat, mettent en scène aussi évidemment le triomphe de Élie sur le Baal et ses prophètes. Et tout cela se termine en fait par un grand massacre, donc tous les prophètes de Baal sont charcutés et donc leur sang est ramené en fait par le ruisseau pour l'éloigner en fait du pays d'Israël. Si on lit cette histoire, bon, on aura pu se dire que c'est une bonne conclusion de ce combat, puisque en effet Élie a démontré la supériorité de Yahvé, puisque Yahvé, en effet, se comporte dans cette histoire comme un vrai Baal. Hein, il commande l'eau, le feu, et se manifeste à la manière des théophanies, des dieux de l'orage. Jusqu'à là, pas de problème. Par contre, je ne sais pas si vous l'avez fait, si vous continuez la lecture, vous arrivez à un chapitre curieux. Un chapitre très curieux, le chapitre 19, qui en fait est d'une certaine manière une correction du récit précédent. Puisque maintenant, Élie doit se déplacer du Carmel à l'Horeb. Et c'est un Élie qui est assez différent en fait. Élie qui n'avait aucune peur d'affronter le roi Akab. Maintenant, il a peur de sa femme Jézabel. Il devient même un peu dépressif en disant « moi, je suis le seul, moi, je veux mourir », rappelant un peu l'histoire de Jonas aussi. Et donc, il est évidemment exhorté par l'envoyé divin qui l'envoie vers le Horeb, où il devient une sorte de second Moïse, puisqu'il met 40 jours, 40 nuits pour arriver à l'Horeb, et à l'Horeb, il a aussi l'expérience d'une théophanie. Mais d'une théophanie très, très différente, en effet, de ce qui précédait. Au chapitre 18, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la voix du grondement de l'averse. Il y avait le feu, il y avait les tonnerres, il y avait, voilà, ce qu'on connaît du Sinaï aussi, où le dieu l'orage se manifeste. Alors que en roi 19, vous avez tout à coup la voix de silence tenu, quelque chose qui est à peine perceptible. Vous connaissez l'histoire, il y a d'abord le feu, le tremblement de terre, le tonnerre, mais chaque fois on dit « Yahvé n'est pas dans ces éléments-là, Yahvé n'est pas comme un Baal ». Donc c'est ainsi comme on voulait en effet réinterpréter l'identité de Yahvé. Si Yahvé est supérieur au Baal, c'est qu'il n'est pas un Baal. Donc, il n'est plus le dieu de l'orage, il n'est plus le concurrent du Baal phénicien. C'est ça, en effet, l'idée de cette première partie du chapitre 19. Ensuite, si vous regardez vers la fin, bah, ça change, puisque tout d'un coup, on reprend un peu la partie politique en disant maintenant que Élie doit prendre maintenant le chemin. Alors, il voyage pas mal. Il va d'abord du Phénicie en l'Horeb, et de l'Horeb, on ne sait pas trop où il est, il faut qu'il remonte à Damas, où il doit d'abord oindre Azaël, dont on ne dit pas le nom du père, probablement parce que c'est un usurpateur, comme roi d'Aram. Ensuite, il doit oindre Jéhu, fils de Nimshi, roi sur Israël. Et ensuite, il doit oindre Élisée, fils de Shaphat, comme son successeur. Alors, si vous connaissez vos classiques, est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans la suite ? Non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça dans la suite. Il y a des changements, et c'est Élisée plutôt que Élie qui va annoncer à Azaël qu'il va régner sur Damas, alors que le texte ne dit même pas qu'il va loindre, mais c'est Élisée qui va annoncer à Azaël qu'il régnera sur Damas. Et c'est un prophète, un disciple d'Élisée, qui va oindre Jéhu. Donc ce n'est pas exactement ce que dit ce texte-là. Alors, quelle est du coup la fonction de ce texte ? La fonction de ce texte, c'est en effet de transférer un certain nombre de traditions liées plutôt au personnage d'Élisée sur Élie. Donc c'est une sorte de transfert, n'est-ce pas ? Et on pourra aussi, ce n'est pas le sujet de ce cours, on pourra aussi montrer en fait que beaucoup de traditions narratives sur Élie sont apparemment reprises des traditions sur Élisée. Si vous prenez maintenant le récit biblique tel que vous l'avez, Élisée est un peu dans l'ombre d'Élie. C'est un peu son successeur et puis moins mis en avant que Élie. Alors que peut-être, sur le plan du développement des traditions, c'est plutôt du côté d'Élisée qu'il faut peut-être chercher le noyau de ces deux traditions. Tradition autour de prophète, thaumaturge, magicien, tout cela, en fait, va ensemble. Donc, ce dernier passage, qui d'ailleurs se poursuit après par la vocation, par l'appel d'Élisée, qui devient successeur d'Élie, cette histoire, en fait, interrompt l'histoire de la royauté, de l'histoire d'Akab et de son successeur, Akazaïa. Alors, c'est pour cela que beaucoup de spécialistes pensent en effet que les histoires d'Élie et d'Élisée ont été insérées assez tardivement dans l'histoire des rois. Donc, il y a eu une première édition de l'histoire des rois où il n'était pas encore question, ou très peu question peut-être, d'Élie et d'Élisée. Ça, on peut assez clairement le montrer. Vous pouvez d'ailleurs faire le test par vous-même. Vous prenez une Bible et vous lisez l'histoire des rois et vous switchez simplement l'histoire de ces deux prophètes et ça se comprend tout à fait. Maintenant, la question qu'il faut poser, c'est ces récits de 1 roi 17-19, s'agit-il des récits anciens ou s'agit-il des textes plus récents, c'est-à-dire jusqu'à où on peut utiliser ces récits pour apprendre quelque chose sur la situation au IXe siècle avant notre ère. Ça, c'est la grande question. Danny Noquet, qui enseigne à Montpellier, a écrit un livre, c'était sa thèse, « Le livre noir de Baal », où il pense en effet que ces histoires d'Élie faisaient partie d'une petite collection qu'il appelait le Livre noir de Baal, écrit peut-être sous Jéroboam II, pour montrer la supériorité de Yahvé sur les autres Baalim. C'est une hypothèse, mais en même temps, si vous regardez les histoires telles que nous les avons maintenant, on constate quand même que ce n'est pas si facile d'affirmer cela. Malheureusement, ce n'est pas si facile. Et surtout, alors vous allez dire que les Allemands sont toujours hyper critiques, mais si vous prenez des spécialistes comme Matthias Köckert ou Erhard Blum et d'autres, ils sont tous d'accord pour dire que ces chapitres que nous venons de résumer reflètent plutôt des préoccupations de l'époque babylonienne et perse, et on ne peut pas l'utiliser directement pour reconstruire l'histoire politique et religieuse sous les Omrides. Alors c'est clair que si vous prenez les textes, et je vais vous montrer comment, si vous prenez les textes tels que nous l'avons maintenant, vous avez clairement affaire à une sorte de traité théologique tardif. Un traité théologique qui d'ailleurs n'a pas été écrit d'un seul trait. Hein ? On a déjà vu là-dessus, je pense, il y a peu d'hésitation, le récit de 1 roi 19, le dernier dont je viens vous parler, hein, c'est sans doute le récit le plus récent qui met en question la vision traditionnelle reprise même par les rédacteurs encore deutéronomistes de l'époque de l'exil, que cette vision traditionnelle du dieu Yahvé, elle ne fonctionne pas. Il ne faut pas imaginer Yahvé dans le feu et dans la tonnerre. En fait, Yahvé, c'est autre chose. Donc là, c'est clair que c'est un récit plus tard. D'ailleurs, vous voyez aussi que les chapitres 17 et 18, ils sont entourés par le thème de la sécheresse. Vous vous souvenez qu'au début, il y a l'annonce de la sécheresse par Élie, et puis à la fin, Élie convoque Akab et la pluie revient, alors que 19, c'est un peu déjà à part. Et même à l'intérieur des chapitres 17 et 18, il faut distinguer deux traditions. D'un côté, l'histoire de la sécheresse et de l'autre côté, l'histoire de la compétition sur le Carmel. Pourquoi faut-il le distinguer ? Si vous avez le texte encore en tête, lorsque, à la fin, il y a cette discussion entre Élie et Akab, on ne fait nullement allusion à la compétition, à la victoire de Élie sur les prophètes de Baal. Et de même, lorsque Élie fait cette compétition, il a suffisamment d'eau à disposition pour arroser l'autel, alors qu'on apprend qu'il y a la sécheresse, qu'il n'y avait plus du tout de l'eau. Donc vous voyez qu'apparemment, nous avons là deux traditions qui ont été fusionnées. Peut-être celle de la sécheresse étant plus ancienne que celle de la compétition sur le Carmel. Et qu'est-ce que ça nous rappelle lorsque Élie se moque de Baal, lorsqu'il dit « mais il dort peut-être » ou « il est allé se soulager ». Appelez plus fort, peut-être il vous écoutera quand même. Ça rappelle quoi ? Ben, ça rappelle les polémiques contre les idoles dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, ce qu'on appelle le Deutéro-Ésaïe, n'est-ce pas ? Où en effet, on dit tous ces statues, on peut les porter, on peut les amener, on peut les déposer à leur place, mais ils ne bougent pas. Et même si on crie vers lui, il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. C'est exactement cela ce que montre l'histoire de la compétition entre Yahvé et Baal. Donc nous sommes, à mon avis, là, dans un même contexte. Alors le deuxième Ésaïe, là tout le monde est d'accord, c'est un texte qui a été écrit au plus tôt vers la fin de l'époque babylonienne, plutôt au début de l'époque perse, où il y a cette polémique contre les autres dieux, qui sont des faux dieux, et ça sous-tend probablement déjà l'idée de 1 roi 18. Également, l'appel au peuple de se décider, Élie qui dit au peuple, alors décidez-vous, qui est-ce que vous voulez servir, Yahvé ou Baal ? Ben, ça rappelle très très fortement un autre texte, qui est aussi un texte récent, Josué 24, où Josué, à la fin de son grand discours, appelle en effet le peuple de se décider. S'il ne vous plaît pas de servir Yahvé, choisissez donc aujourd'hui qui vous voulez servir. Hein ? Nous sommes là dans un même contexte. Le peuple doit se décider, hein, et les autres dieux, ils ne sont d'aucun secours. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser directement pour reconstruire le contexte religieux du IXe siècle. Hein ? Nous sommes là plutôt au 6e, 5e siècle avant notre ère. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup du mal à utiliser Élie comme une source immédiate pour reconstruire ce qui s'est passé sous les Omrides. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'Élie, qu'il y a peut-être des traditions, j'y reviendrai dans un moment, mais on voit très bien comment en fait Élie devient un personnage de plus en plus important. D'ailleurs, ça va se renforcer encore dans les siècles plus récents, puisque vous vous souvenez que les 12 petits prophètes, ils se terminent avec quoi ? Avec l'annonce du retour d'Élie, puisque Élie, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, il devient un deuxième Moïse, mais il dépasse Moïse. Il dépasse Moïse dans la mesure où Moïse, en fait, doit mourir, bien qu'après, la tradition juive va aussi réfléchir si Moïse est vraiment mort ou s'il n'a pas seulement prétendu qu'il était mort, mais selon la Bible, Moïse meurt bel et bien, alors que Élie va justement avoir cette ascension, et donc on imagine qu'il va revenir, grand débat ensuite, dans le Nouveau Testament. Alors, comment Élie s'est-il construit ? Peut-être d'abord en se servant des parallèles entre Jéhu, dont je vais vous parler maintenant, Jéhu qui devient en fait celui qui met fin à la dynastie des Omrides. C'est un peu un ayatollah yaviste, Jéhu, parce qu'il va en effet pas hésiter à massacrer qu'il peut trouver dans le palais. Et on constate en effet, si on regarde l'histoire de Jéhu et l'histoire d'Élie, un certain nombre de parallèles. D'abord, c'est les deux seuls ensembles de textes où on va parler des prophètes de Baal, dans toute la Bible. Il n'y a que dans l'histoire de Jéhu et que dans l'histoire d'Élie en 1 roi 18, où vous avez cette mention des prophètes de Baal. Ensuite, les deux rassemblements sacrificiels, parce que Jéhu aussi va appeler à un rassemblement sacrificiel, vont se terminer par le massacre des fonctionnaires de Baal. Autre parallèle encore, que Jéhu s'assied après la mort de Jézabel pour manger et boire, et Élie dit à Akab également à manger et à boire. Et finalement, les deux sont d'origine de la Transjordanie. Donc vous voyez, vous avez un certain nombre de parallèles assez intéressants entre Jéhu et Élie, et on peut imaginer que certains de ces motifs étaient d'abord liés à l'histoire du putsch de Jéhu et qu'on les a d'une certaine manière transposés sur Élie pour en effet avoir une sorte de prologue théologique à ce putsch. Donc le fondement historique, le noyau historique dans cette tradition sur Élie sont probablement liés au personnage de Jéhu. Et pourquoi tout cela se passe sur le Carmel ? Alors pourquoi ? Bah, d'abord, on peut dire c'est le mont le plus proche de la Phénicie. Question qui est difficile à résoudre, est-ce qu'il y a eu un culte de Baal sur le Carmel ? Il y a des attestations très, très récentes de Tertullian, de Vespasien qui parlent d'un culte de Zeus sur le Carmel. Est-ce que c'est un ancien culte de Baal ? Comme imaginent certains, on peut imaginer, mais nous n'avons pas de preuves. Nous avons également dans les annales du roi assyrien Salmanassar III mention d'une montagne de Baali Rashi. Alors, si c'est le Carmel, ce qu'on peut imaginer, mais ce qui n'est pas non plus totalement sûr, à ce moment-là, on pourrait dire que, quand même, à l'époque assyrienne, il y a déjà un lien entre Baal et le Carmel, qui pourra aussi donc expliquer cette tradition. Mais il suffit peut-être aussi tout simplement d'imaginer que le Carmel, en fait, était à proximité de la Phénicie, et c'est pour cela que c'était en effet un emplacement tout à fait adéquat pour cette compétition. Donc, pour résumer, je n'exclus pas du tout qu'il y a eu un personnage historique du nom de Élie, mais nous ne pouvons pas prendre l'histoire telle que nous l'avons maintenant pour la transposer directement au IXe siècle. Elle garde des souvenirs, des traditions. Ça, c'est toujours le problème que nous avons face à la documentation biblique. C'est un peu comme les archéologues, il faut enlever toutes les couches. Après, il ne reste pas toujours grand-chose, n'est-ce pas, qu'il faut après utiliser pour reconstruire. Par contre, nous sommes assez au clair en ce qui concerne le putsch contre la maison d'Omri. Donc là, c'est très clair que Jéhu, si vous lisez le livre des rois, je vous ai déjà dit l'année dernière, mais je peux le rappeler, les livres des rois sont donc écrits dans une perspective tout à fait judéenne, sudiste. Et normalement, tous les rois du Nord sont très mal vus. Le seul, mais on va un peu l'hésitation des auteurs bibliques, le seul qu'ils aiment bien, en fait, c'est Jéhu. C'est Jéhu parce que, justement, il a mis fin à la dynastie d'Omri et a fait peut-être de Yahvé pour la première fois ou définitivement le dieu national d'Israël. C'est très très difficile de savoir. On pourrait aussi imaginer que avant Jéhu, sous les Omrides, c'était un Baal phénicien qui était dieu de la dynastie, hein, et que c'est seulement sous Jéhu que Yahvé s'installe aussi au niveau de la monarchie, qu'il devient le dieu dynastique. Le grand problème, et ça, ce n'est pas résolu, je ne sais pas si un jour on va réussir à le résoudre, c'est le problème des deux Jéroboam. Hein? Puisque dans la Bible, il y a un premier Jéroboam qui, tout de suite après la mort de Salomon, nous dit-on, installe deux sanctuaires à Bethel et à Dan. Maintenant, beaucoup de gens à Tel Aviv, justement, qui pensent que Dan ne devient israélite qu'au 8e siècle, donc ça ira beaucoup mieux avec Jéroboam II. Hein. Et donc, du coup, il faudrait, ce que nous ne pouvons pas faire ici, mais il faudrait un peu repenser tout ce qu'on dit d'un côté de Jéroboam Ier et de Jéroboam II, qui a eu un règne assez long, assez prospère, et peut-être, en effet, il y a eu là une volonté un peu de, qu'est-ce qu'il faut dire, de transférer un certain nombre de choses sur le premier Jéroboam qui est un peu considéré comme le pêcheur originel du royaume du Nord. Ça, c'est une question importante. Mais ce qu'on peut dire, en effet, que sous Jéhu, sous ses successeurs, Yahvé s'installe, en effet, certainement aussi à Samarie. Auparavant, donc, il y a eu certainement une sorte de concurrence, peut-être entre Bethel, qui était peut-être un sanctuaire plus régional. Il y avait peut-être déjà le culte de Yahvé, à partir de quel moment, aussi très difficile de savoir, et Samarie, où il y avait peut-être un Baal phénicien. Ce qui est très intéressant, c'est que Jéhu, nous avons des attestations de ce roi en dehors de la Bible, notamment dans la stèle, le prisme de Salmanazar que vous pouvez admirer au British Museum à Londres, où on a peut-être même une représentation de Jéhu, mais tous ces rois qui s'inclinent, c'est un peu, ils se ressemblent tous. Donc, comme l'a dit Christophe Hullinger, il ne faut peut-être pas là vouloir chercher une sorte de souci vraiment de nous montrer à quoi il ressemblait vraiment, mais on a la scène de la prosternation de ce roi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est appelé par les Assyriens le fils de Omri. Jéhu, fils d'Omri, alors qu'il a mis fin à la dynastie des Omrides. Donc ça veut dire, et ça c'est très important, ça veut dire que pour les Assyriens, en fait, Israël commence d'une certaine manière et reste, même après, la maison d'Omri, comme Juda, et considérer, si la stèle de Dan dit vrai, la maison de David. Donc Omri est un peu la figure fondatrice. C'est pour cela, je trouve, il devient de plus en plus difficile, pas seulement sur le plan archéologique, ce que M. Finkelstein va nous montrer aussi, mais aussi sur le plan littéraire, d'aller au-delà de Omri dans la reconstruction historique à partir des documents bibliques. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? En ce qui concerne Yahvé, je pense que cette polémique, ce conflit Yahvé contre Baal va poser la question de l'identité de Yahvé. Est-ce que Yahvé est seulement un Baal? Si vous lisez, et je reprendrai cela plus tard, les oracles du prophète ou attribués au prophète Osée, il y a constamment une critique du veau de Samarie, donc du taureau qui se trouve à Samarie. Et on observe, en fait, dans le royaume du Nord, à partir du 8e siècle, un certain nombre de représentations, surtout sur des sceaux, mais pas exclusivement, où apparaît, et ça semble, si je fais confiance aux spécialistes, ça semble limité, en effet, au royaume du Nord, où vous avez un jeune dieu, ailé, qui tient souvent des arbres, des végétaux, avec geste avec lequel il assure sans doute la vie de la nature, la prospérité. Les deux ailes, en fait, caractérisent la divinité comme uranique, donc reliée au ciel, et ça pourrait en effet être le signe que Yahvé dans le Nord évolue vers un type de divinité qu'on va appeler chez les Phéniciens après le Baal Shamen. Shamen, c'est comme Shamaïm, le Baal du ciel. C'est-à-dire, en fait, que le Baal traditionnel qui est un dieu de type Hadat va intégrer des fonctions d'un dieu solaire ou d'un dieu de type El. C'est-à-dire, c'est un renforcement du rôle de ce dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on va observer aussi dans le sud, qu'on va observer aussi chez les Moabites, chez les Ammonites aussi, qu'à un moment donné, le dieu dynastique, qui n'est jamais considéré comme étant le seul dieu, mais il y a une sorte de renforcement du rôle de ce dieu qui va, d'une certaine manière, absorber des fonctions d'autres dieux. De toute façon, ça, c'est quelque chose que vous pouvez observer dans tout le Proche-Orient ancien, c'est très, très difficile de donner à chaque dieu son dicastère précis. L'idée des panthéons où un tel dieu qui a exactement cette fonction, un autre dieu, ça c'est une invention du 19e siècle. Nous n'avons aucun texte de l'Antiquité qui nous présente les panthéons. C'est dans notre esprit on a les panthéons avec les hiérarchies, etc. Donc ça aussi, il faut toujours le garder en l'esprit. Ça nous arrange de pouvoir dire qu'est fait un tel dieu, qu'est fait un tel autre. Mais en réalité, ça se passe de manière un peu plus complexe. Et donc, les dieux s'empruntent des choses les uns aux autres ou sont responsables, parfois, deux ou trois dieux pour les mêmes questions, problèmes. Alors, ce Baal Shamem, ces dieux ailés, est-ce Yahvé ou est-ce toujours le Baal phénicien? Alors, ce qu'on peut quand même observer, c'est que certains de ces sceaux, comme ici, portent des noms yavistes. Ici, vous avez le Yoav pour Joab. Donc, c'est un sceau d'un personnage qui porte un nom qui le caractérise comme vénérateur de Yahvé. Alors, est-ce que, du coup, il a imaginé Yahvé de cette manière-là? C'est tout à fait possible. Nous avons un autre sceau qui est tout à fait comparable, donc vous avez la même, même représentation. Et là, nous avons Pada Yahou, donc Yahvé des livres, Yahvé sauve. Et donc, il faut imaginer apparemment que les propriétaires de ces sceaux se sont en effet reconnus dans la représentation de ces divinités. Donc, apparemment, ils ont imaginé peut-être leur dieu tutélaire de cette manière-là. Et ça nous amène tout de suite à la question que je vais aussi reprendre, qui est peut-être plus polémique en ce qui concerne Judas, mais qui est assez claire, me semble-t-il, pour le Nord, la question des représentations de Yahvé. Vous savez que le judaïsme affirme que on ne peut pas représenter Yahvé. Tu te ne feras pas d'image. Alors, la question, c'est évidemment, est-ce que cette idée et à l'origine de la religion judéo-israélite, ou est-ce que c'est une évolution plutôt récente? Alors, il me semble, pour le Nord, il n'y a aucun problème. Yahvé a été représenté. Ce n'était pas un culte aniconique, c'était un culte iconique. Et nous avons tous les preuves qu'on veut. Donc, je pense souvent, si on se refuse à admettre cela, ça part parfois plutôt d'une conviction théologique que d'une analyse adéquate des documents que nous avons à notre position. Ça, c'est toujours un peu le problème si on veut faire l'histoire de la religion, que souvent on a du mal un peu à distinguer des convictions qui sont tout à fait honorables, personnelles, et puis ce que nous montrent les textes. Je vous donne quelques exemples. Alors, premier exemple, c'est une inscription de Sargon II qui évoque la destruction de Samarie. Et dans cette inscription, il mentionne comme butin les dieux, donc en parlant de la déportation des gens de Samarie, de la destruction de Samarie, et donc le butin était aussi constitué des dieux en qui il s'est confié. Alors, comment peut-on déporter quelque chose qui n'a pas de matérialité? Donc, apparemment, il y a quelque chose de matériel. Alors, on peut le rapprocher des scènes venant d'autres villes, n'est-ce pas? Donc là, on représente la prise d'Ashkelon. Mais on peut imaginer quelque chose de tout à fait comparable. Donc, les Assyriens avaient habitude, alors ils avaient deux habitudes, soit de casser les statues des dieux, on a aussi des représentations de cela, ou alors de les déporter, peut-être de les placer dans les temples des dieux assyriens pour montrer en effet que les dieux des peuples soumis étaient allés faire acte allégeance à la manière de ce qu'on attendait en fait des populations soumises. Donc là, apparemment, il a dû déporter quelque chose de Samarie. Et la Bible elle-même, en fait, l'histoire des veaux d'or en 1 roi 12 en Exode 32 signifie quand même que apparemment Yahvé dans le nord est vénéré sous forme d'un taureau. Là, c'est pas forcément exclusif, c'est-à-dire si on a des taureaux comme représentation de la divinité, ça exclut pas non plus qu'il y a peut-être aussi des représentations plus anthropomorphiques. Hein. Par exemple, à Ougarit, Baal est tantôt appelé taureau et probablement aussi représenté comme un taureau, et tantôt vous avez tous les stèles qu'on identifie comme des stèles de Baal que vous pouvez regarder au Louvre, vous voyez que vous avez en effet les deux manières. Et puis, finalement, un indice un peu plus indirect, mais néanmoins intéressant, qui vient peut-être du récit sur le prophète Samuel. Connaissez l'histoire du prophète Samuel qui va, en effet, commencer sa carrière au sanctuaire de Shiloh, hein, que vous avez ici, au nord de Bethel. Et donc, ça, c'est une observation qui est due à la thèse de Jörg Kützli, que vous avez ici, qui, en fait, a analysé le texte de la vocation de Samuel. Alors, je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire, donc vous savez que le petit Samuel, il est donc donné par sa mère au temple, au sanctuaire de Shiloh. Et il est là au service, en effet, du prêtre Élie. Donc, dans son contexte actuel, c'est une histoire très polémique à l'égard du sanctuaire de Shiloh. Mais on a quelques indications quand même assez intéressantes. D'abord, le texte massorétique est très bizarre, parce qu'il nous dit que le garçon servait Yahvé la face d'Élie, le prêtre. Ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, si vous reconstituez avec la Septante, le texte grec, vous avez « Le garçon servait la face de Yahvé devant Élie le prêtre », ce que devient en effet plus logique. Et peut-être, si on suit Yokutsli, pourrait en effet se poser la question si les Massorètes ne voulaient pas, donc ceux qui nous ont vocalisé, qui nous ont transmis le texte, s'ils ne voulaient pas éviter toute allusion possible à une statue divine. Parce que, en effet, la racine charat, servir, comme le dit Klaus Westermann, si on sert un dieu, il est en règle générale question de sa statue. Comme on va servir un dieu, on entretient sa statue, comme c'est aussi le cas en Égypte. Et vous pouvez prendre des textes du livre d'Ézéchiel où vous trouvez le même verbe qui, très clairement, là, exprime le culte qui est rendu à des statues d'autres divinités. Donc, il est en effet possible, peut-être aussi un texte comme Deutéronome 10, où les Lévites se tiennent devant la face de Yahvé pour le servir. Je reviendrai sur cette question de la face de Yahvé, que ce texte garde peut-être aussi encore un souvenir un peu enfoui, un tout petit peu censuré, comme on le font les Massorètes assez souvent, d'une statue de Yahvé. Donc je pense en effet, si on résume ce que nous avons vu pour le Nord jusqu'à l'époque assyrienne, on va reprendre ça, on peut dire que Yahvé devient la divinité la plus importante d'Israël avec le putsch de Jéhu. Sous les Omrides, il y a apparemment concurrence entre deux Baalim, deux Baal, le Baal phénicien, Baal royal de Samarie et le Baal Yahvé. Yahvé a été en effet dans le Nord surtout vénéré comme un dieu de l'orage, comme un Hadat, comme un Baal. Et à partir du 8e siècle, notamment, si on prend en considération, là, non pas les textes bibliques, mais les attestations iconographiques, on voit que Baal devient apparemment aussi, et peut-être en parallèle, on va le voir tout de suite, ce qui se passe dans le sud, où Baal devient en effet que Yahvé devient en effet un dieu qui intègre aussi des traits du dieu haut, de type El, des traits solaires, sorte de Baal Shamem, le seigneur du ciel. Mais nous sommes encore très très loin de ce qu'on peut appeler monolâtrie, voire monothéisme. Donc là, nous ne sommes pas du tout. Et très probablement, pour moi certainement, le culte de Yahvé dans le royaume d'Israël se faisait comme, par ailleurs, à l'aide des statues. Pensez aussi ce que dit, ça je vous le dis en passant encore, la stèle de Mécha, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. La stèle de Mécha parle également du fait que le roi Mécha a pris comme butin les quelis, les ustensiles de Yahvé. Alors là, on ne sait pas trop ce que c'est, mais apparemment aussi un sanctuaire donc, dans le territoire récupéré par les Moabites. Alors, venons maintenant vers le sud. Nous avons fait maintenant notre parcours dans le nord jusqu'à l'époque assyrienne et arrêtons-nous maintenant un peu à ce qui se passe en Juda. Est-ce que c'est exactement la même chose? Est-ce que c'est différent? Je pense en effet il y a des différences. De nouveau, nous devons aussi admettre que nous avons peut-être plus d'informations sur Juda que sur Israël. Comme je vous ai déjà dit, la Bible, les auteurs bibliques s'intéressent à Juda et considèrent un peu le Nord toujours un peu comme la contrepartie négative. Et c'est pour cela qu'ils avaient moins de problèmes de faire apparaître le fait que dans le Nord, on vénérait Yahvé sous forme de taureau ou d'autres statues, parce que de toute manière, pour eux, le culte du Nord était de toute façon illégitime. Alors, nous avons vu que dans le nord, il y avait diversité de sanctuaires. Hein, vous vous souvenez? Alors, comment se présente la chose en Judée? Est-ce qu'il y a un seul sanctuaire ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Qu'est-ce que vous diriez? Un ou plusieurs? Plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indication? On va le voir tout de suite. Il y a en effet une diversité des sanctuaires yahvistes en Juda. Alors, première chose, comme dans le Nord, apparemment, Yahvé n'a pas été tout de suite considéré comme Dieu englobant l'ensemble du royaume de Juda. Il est devenu petit à petit le roi de Juda, comme on le voit sur cette inscription de Kirbet Betlé. Alors, c'est une inscription très, très difficile à déchiffrer, mais il y a, parce qu'en fait, c'est une sorte de graffiti qui est écrit dans le noir, donc c'est très difficile. Mais grosso modo, on est d'accord, disons, les spécialistes sont d'accord, pour cette traduction-là. Yahvé est le dieu de tout le pays. On pourra même imaginer de toute la terre, parce que tout dépend comment vous allez traduire Eretz. Yahvé est le dieu de tout le pays. Les montagnes de Juda sont aux dieux de Jérusalem. Donc, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on apprend avec cette inscription? Que Yahvé est d'abord appelé le dieu de Jérusalem. Et cette inscription revendique, en fait, que ce dieu de Jérusalem contrôle aussi les montagnes donc, de Juda. Donc, l'inscription a été trouvée et ici, donc, à Kirbet Betlé, un peu plus au-dessus de la flèche, à côté de Lachish, quelques kilomètres donc à l'est de Lachish. La datation n'est pas très assurée entre le 8e et 6e siècle, mais on ne va pas entrer là dans les détails. Seulement, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est qu'apparemment là, il y a une sorte de revendication des montagnes de Juda, même pas de... ensemble des montagnes de Juda pour Yahvé. Alors, quels étaient les autres sanctuaires en Juda? Donc, il faut vous rappeler, ça vous pouvez lire les ouvrages d'Israël Finkelstein, des grandes différences aussi géographiques entre le nord et entre le sud. Donc, Juda est en effet beaucoup plus... qu'est-ce qu'il faut dire, en périphérie, beaucoup plus isolée en fait comme le Nord, donc il y a moins d'influence aussi de la Phénicie, hein. Et donc ça peut aussi imaginer, on peut du coup aussi imaginer que les influences ne sont pas totalement identiques, peut-être, nous allons le voir, davantage d'influence égyptienne que phénicienne, et encore ce n'est pas si simple que cela. Alors, qu'est-ce que nous avons comme d'autres sanctuaires qui sont clairement mentionnés? Dans la Bible, en fait, presque pas, à une exception près, qui sont en effet les fameux hauts lieux, les bamot. Les bamot qui existent aussi dans le Nord, mais apparemment surtout en Juda, ils sont mentionnés surtout dans les livres de Samuel et des rois. Alors, qu'est-ce que c'est une bama? C'est apparemment des sanctuaires en plein air, sur des collines, alors qu'un texte parle aussi des bamotes, des shaharim, des portes. Alors certains imaginent un peu qu'il faut vous imaginer des petits sanctuaires dans des murs de casemate, ce qui est possible, mais nous avons en effet peu d'indications. Alors, ce sont des sanctuaires qui, apparemment, ne sont pas des sanctuaires royaux ou sous contrôle des rois. On y trouve, alors je reviendrai là-dessus aussi, des matzebot, des stèles. Hein. On trouve des asherah ou une asherah. Il faut aussi nous poser la question, qu'est-ce que c'est une asherah? Souvent traduit par poteau sacré. Hein. Et en effet... plusieurs textes bibliques, ils font allusion, ils se construisirent eux aussi des hauts lieux, des bamotes, avec des matzebotes, des Hacherim sur toute colline élevée et sur tout arbre vert, et peut-être aussi les arbres sacrés qui jouent un rôle. Et peut-être, dans certaines Bamot, vous avez aussi des endroits couverts pour peut-être des repas sacrificiels, comme on peut le lire dans l'histoire de Samuel, où Samuel se rend à Rama, justement, pour un fête sacrificiel. Alors, ce qui est très clair, ce sont des sanctuaires yavistes. Ce sont des sanctuaires yavistes. Il y a un seul texte, mais qui est un texte polémique contre Salomon. On dit que Salomon construit sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem une bama pour Kemosh, l'abominable dieu des Moabites ou de Moab. Mais ça, c'est un texte polémique parce qu'en effet, il s'agit probablement des textes, des sanctuaires yavistes. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Avec justement des objets cultuels. Alors ça, je ne sais pas si c'est des matzebot. Ça c'est une photo que j'ai fait à Kirbet Kayafa. Monsieur Garfinkel propose que ce soit des matzebot. Je ne sais pas ce que pense Israël Finkelstein. Peu importe. Mais c'est aussi un problème, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas chaque fois qu'on vous trouve une pierre que c'est forcément une matzeba. Mais bon, ça c'était juste une illustration. Mais les textes bibliques, en effet, quand ils parlent des bamot, nous mentionnent constamment matzevot et ces poteaux sacrés. Alors certains ont pensé aussi que ça ressemble un peu à cette plaquette qui vient de Suse, de la fin du deuxième millénaire, où vous avez en effet des activités cultuelles. Bref, il faut voir comment on peut interpréter ça, est-ce que c'est une stèle. Mais c'est certainement des sanctuaires plein air. Et que ce soit des sanctuaires yavistes est aussi d'une certaine manière attesté par le fait que dans la Bible, si vous lisez les livres des rois, vous voyez que chaque roi reçoit une sorte de note de comportement. Ça, c'est un bon roi, ça, c'est un mauvais roi. Et puis, il y avait des rois qui sont in between, so-so, moitié-moitié. Et les rois judéens qui sont assez bien notés, mais pas totalement bien notés, pour eux, on dit toujours, toutefois, les bamotes ne disparurent pas, le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums, donc des sacrifices animaux et végétaux. Et ça, ça revient assez constamment. Et ce sont les rois qui sont les deux rois très positifs dans la Bible, Ézéchias et Josias, on reviendra sur ces rois. Ces rois-là, on nous dit qu'ils ont supprimé les bamotes, les hauts lieux. Mais c'est un peu une sorte d'ironie de l'histoire parce que ce sont là probablement des sanctuaires typiquement israélites ou judéennes, non israélites puisqu'ils sont aussi dans le nord, qui doivent finalement céder la place au temple de Jérusalem qui est plutôt quelque chose de cananéen, entre guillemets. Mais ça, c'est quelque chose voilà, qui arrive. Ça, c'est le témoignage biblique. Les bamotes sont bien attestés. Maintenant, l'archéologie ou certaines réflexions épigraphiques montrent qu'il y a sans doute d'autres sanctuaires, notamment Arad, ça c'est très clair, sanctuaire d'Arad, où là apparemment il y a quand même des stèles, des matzebot, alors que, grande question par contre, c'est on ne sait pas très bien comment interpréter ce sanctuaire, n'est-ce pas ? Traditionnellement, on a toujours voulu voir dans ce sanctuaire une preuve de la réforme de Josias, n'est-ce pas ? Parce qu'on a dit que, en fait, ce sanctuaire a été détruit au moment où le roi Josias, on en reparlera, va mettre fin à tous les autres sanctuaires en dehors du temple de Jérusalem. Mais d'autres archéologues ont en effet montré que c'est beaucoup plus compliqué, que le sanctuaire probablement a duré très peu de temps, comme le dit C.F. Herzog, peut-être seulement une partie du 8e siècle, qu'il a été peut-être pas détruit, mais plutôt fermé d'une certaine manière, camouflé, peut-être pour éviter justement une destruction par les Assyriens. Donc c'est très, très compliqué, mais on ne peut pas utiliser Arad juste pour dire que voilà, la Bible a raison, et puis ça montre en effet que Josias a fait la réforme qu'on lui attribue. Donc c'est logique qu'il s'agit d'un sanctuaire yahviste. Alors ce qui est intéressant, c'est la question justement des stèles qu'on y a trouvées. On y reviendra la semaine prochaine. Autre possible sanctuaire, mais là c'est plus spéculatif, c'est Lachish. Alors Lachish, qu'est-ce qu'on a comme, indication? C'est simplement la grande fresque assyrienne qui nous détaille la prise de Lachish, nous montre en effet, au moment où là on voit des gens qui sont déportés, prisonniers, et puis là vous voyez des soldats assyriens où un porte un immense encensoir, hein, très grand. Ça ne peut pas être probablement une sorte d'outil privé qui pourrait en effet faire penser à un sanctuaire, ce qui serait assez logique puisque Lachish était quand même un centre administratif important. Et finalement, peut-être aussi Beersheba, on y a trouvé un hôtel à cornes qu'on a reconstruit, dont certaines voient aussi les traces d'un sanctuaire yaviste, mais évidemment, ça c'est un peu des interprétations. Là, on est dans les hypothèses qui sont possibles, mais pas totalement assurées. Mais seulement, là aussi, il faut très clairement faire de nouveau la différence entre ce que dit la Bible d'un côté et ce que nous pouvons reconstruire. Il est assez clair que jusqu'à l'époque de Josias, et peut-être même après, le culte de Yahvé n'était pas limité au niveau des activités cultuelles au temple de Jérusalem. Donc il y a là aussi, bien que le territoire du Juda plus restreint qu'Israël, il y avait certainement aussi une certaine diversité de lieux de culte. Maintenant, comment faut-il s'imaginer l'ascension de Yahvé à Jérusalem? Donc là aussi, je vous rappelle d'abord ce que je viens de dire, qu'on observe au courant du 9e, 8e siècle une sorte de renforcement du pouvoir des dieux dynastiques dans le Levant. Ça, c'est une première chose. On peut aussi rappeler que, on l'a vu, que Yahvé, à l'origine, était peut-être pas seul dans le temple de Jérusalem et qu'il a dû donc cohabiter et qu'à un moment donné, il a apparemment pris le pouvoir face aux autres dieux de Jérusalem. Et là, c'est assez intéressant. Nous avons une histoire très curieuse dans le livre de Josué. Donc, je vous promène un peu dans les textes bibliques. Au chapitre 10 du livre de Josué, vous avez un texte que vous connaissez peut-être. C'est une bataille. Donc, le texte prétend raconter un épisode de la conquête, donc avant la monarchie. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez là une bataille des Israélites contre un dénommé Adoni-Tzedek. Et cet Adoni-Tzedek, il est présenté comme quoi? Comme le roi de Jérusalem. On ne sait pas trop d'où il sort, c'est Adoni-Tzedek, mais son nom est en effet intéressant parce que son nom s'appelle Monseigneur, c'est Tzedek. Hein? Souvenez-vous, l'année dernière, nous avons vu en effet que Tzedek est probablement une manifestation d'une divinité qui accompagne le dieu solaire, n'est-ce pas? Tzedek et peut-être aussi Mishpat sont les deux attributs du roi, du dieu solaire. Et ici, le roi de Jérusalem porte un nom avec Tzedek. Ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, dans cette histoire qui est assez longue, Yahvé intervient d'abord en lançant des pierres depuis le ciel. Donc là, vous avez d'autres parallèles avec des récits de guerre assyriens où parfois aussi Hadad intervient, il jette des grands grêlons depuis le ciel. Mais ce qui est plus intéressant pour nous maintenant, c'est la suite. Alors Josué dit aux yeux d'Israël, « Shemesh, donc soleil, arrête-toi sur Gabaon, Yareach, donc lune, sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil, le Shemesh, s'arrêta et lune se tint immobile jusqu'à ce que le peuple eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Ce livre du juste n'est pas mentionné dans la Septante, donc peu importe ici, mais ce n'est peut-être pas quelque chose de très, très ancien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que c'est cette histoire que Josué commande au soleil et à la lune. Comment faut-il interpréter ça ? C'est pas... Oui, alors après, on peut avoir les interprétations un peu météorologiques. On peut. C'est comme aussi la traversée de la mer Rouge. Parfois, on a le volcan du Santorin et puis toutes sortes d'autres tremblements de terre. Mais c'est des lectures peut-être un peu trop naturalistes de ces textes. Ces textes, en fait, ont toujours des fonctions tout à fait précises. Là, il me semble qu'on peut avoir deux interprétations possibles. Deux interprétations possibles. La première, à laquelle j'adhère, mais qui n'est peut-être pas la bonne, mais pour le moment, je pense que c'est pas mal, c'est que c'est un texte du 7e siècle qui insiste sur la supériorité de Yahvé face aux divinités solaires, qui sont très populaires chez les Assyriens. Puisqu'on va voir que le livre de Josué s'inspire beaucoup de la rhétorique, aussi de l'imagerie assyrienne. Ça, c'est une possibilité. Mais peut-être elle n'est pas la bonne. Peut-être c'est un texte plus ancien, comme c'était suggéré, je ne l'ai pas mis, par Otmar Kehl, notamment, un texte plus ancien qui reflète peut-être encore la concurrence entre Yahvé Tsevaot, Yahvé Dieu de l'armée d'Israël, et là où les divinités tutélaires de Jérusalem pour montrer justement que Yahvé va prendre le dessus des dieux de la lune et du soleil. Alors on peut imaginer que ce livre du juste qui n'est pas mentionné dans la Septante mais qui est mentionné par contre en tant que livre du chant dans le livre des rois a comporté un certain nombre de morceaux poétiques parmi lesquels peut-être aussi ce fameux texte de la dédicace du temple où il est dit que Yahvé veut habiter dans l'obscurité contre le soleil. C'est peu clair, mais on peut imaginer quelque chose de cela. Donc peut-être ce texte est un élément que nous avons pour voir comment petit à petit Yahvé va récupérer ou va affirmer sa supériorité face aux divinités de type solaire ou lunaire. Un autre élément, et je vais m'arrêter avec cela, c'est l'identification successive qu'on va faire entre Yahvé et El, entre Yahvé et El Elyon. Ceux qui ont déjà suivi le cours sur Abraham, vous vous souvenez peut-être de ce texte très curieux de Genèse 14, où Abraham part dans une grande guerre. Et en rentrant, en fait, de ses exploits militaires, il rencontre à Shalem un dénommé Melchisedec, prêtre de Dieu, El Elyon, Dieu très haut. Et ce El Elyon bénit Abraham en disant, « Béni soit Abraham par El Elyon qui crée ciel et terre, béni soit El Elyon qui a livré tous tes adversaires entre tes mains. » Et Abraham donne l'adi. Alors, c'est un texte difficile, compliqué. Qu'est-ce qu'on apprend ? Alors, on apprend très clairement que ça se passe à Jérusalem. Shalem, ça ne peut pas être autre chose. Vous savez que dans toute la Torah, dans tout le Pentateuch, on ne trouve jamais Jérusalem en entier. Il y a une discrétion assez incroyable, même lorsque dans le Deutéronome on dit le Makom, le lieu que Yahvé va choisir pour y faire habiter son nom, on ne dit pas qui est ce lieu. Donc on ne parle de Jérusalem que par allusion, ce qui s'explique tout à fait, puisque évidemment, comme vous le savez, si vous ne savez pas, je vous le dis, le Pentateuque a été en fait accepté à la fois par les Judéens comme par ce qu'on va appeler après les Samaritains comme document fondateur. Donc on ne pouvait pas évidemment décider à l'intérieur de la Torah où se trouve le lieu qu'il y avait à choisir. Il fallait que ça soit interprétable des deux sens, soit Garizim, soit Jérusalem. Autrement, ça n'aurait jamais marché, cette histoire. Donc, ici, quand même, on est allé assez loin, puisqu'on a quand même Shalem. Alors, donc, à Shalem est un prêtre qui sert El Elyon. Alors, évidemment, dans la Bible, dans le texte massorétique, on imagine très clairement une identification entre Yahvé et El Elyon, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans la Septante, dans la tradition grecque, puisque le grec traduit par Theos Hupsistos, qui devient ou qui est en fait un terme que les Grecs vont utiliser pour la divinité suprême païenne, comme si on voulait encore faire une différence dans la traduction grecque entre El Elyon et Yahvé. Donc, il est possible que ce texte, même s'il est peut-être très récent, garde quand même les traces d'une vénération de El comme Elyon à Jérusalem, un peu à la manière d'Ela Ougarite, et que c'est dans la suite, et surtout dans le texte comme Genèse 14 autres, qu'on a essayé d'identifier El et Yahvé. Et nous allons voir la semaine prochaine, pour ceux qui ne partent pas en vacances, qu'il y a des traces d'identification très très claires dans certains psaumes. Là, on voit très bien comment on va passer de El à Yahvé. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, pour ceux qui seront là la semaine prochaine, j'avais en effet jamais réalisé que j'aurais pu aussi m'interrompre dans mes cours, donc on ne m'a pas dit ça. Je viens de l'apprendre. L'année prochaine, peut-être, on fera ça. Donc, mes cours, il y aura cours donc, la semaine prochaine, et puis on verra comment ça se passe dans les psaumes, et on posera aussi la question s'il y avait une statue de Yahvé dans le temple de Jérusalem. Je dis ça beaucoup de fois. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.